J'entends des voix, mais je ne sais pas qui. Beaucoup de joie, tout ça pour moi. Enfin, je crois. Oui, tu auras ta chance sous des chaînes. Sous de gêne, mais par hasard, est-ce la peur dans ton regard? Des milliers de fleurs qui t'appellent, un petit chagrin qui te peine, mais par hasard, est-ce l'amour dans ton les bras. J'ouvre les yeux, je cherche une ombre à moi. Ça y est, c'est toi. J'entends ta voix. Est-ce que tu peux me serrer contre toi? Tu auras. L'espoir dans ton regard, des milliers de fleurs qui t'appellent, un petit chagrin qui te peine, mais par hasard, est-ce l'amour dans ton est-ce l'amour dans ton